Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans la série d'émissions qu'elle consacrait en 1963 à la vie et à la pensée de Freud, Marthe Robert insistait sur la dimension d'abord solitaire du combat du fondateur de la psychanalyse pour imposer ses idées, perçues comme scandaleuses en son temps. Freud avait déjà 50 ans lorsque la psychanalyse commença à être connue hors de Vienne, et il ne devint une célébrité qu'à 70 ans passés. Dans les 17e et 18e volets de cette série de 28 émissions intitulée « La révolution psychanalytique », il était question de la sortie de cet isolement marqué par trois étapes. Le début de la relation intellectuelle de Freud avec le médecin zurichois Gustav Jung, en 1906, la tenue du premier congrès international de psychanalyse à Salzbourg, en 1908, et enfin le voyage aux États-Unis que Freud effectua à l'invitation d'une université américaine en 1909. Autant de moments décisifs qui virent des médecins et chercheurs du monde entier rejoindre les rangs de ce que Freud appelait avec humour la farouche armée qui défendait ses idées de par le monde. La révolution psychanalytique, 17e et 18e volet, diffusé pour la première fois sur France 3 Nationale les 20 et 27 avril 1963. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Philippe Drancy, René Farabet, Alain Mottet et Jean Muselli, dans La fin de l'isolement. Assistante Marie-Andrée Herminot. L'année 1906 est une date importante dans la vie de Freud, car à ce moment, la psychanalyse cesse d'être l'affaire personnelle dans laquelle il luttait à peu près seul pour faire accepter ses idées. Elle commence à être connue et discutée hors de Vienne et devient peu à peu ce qu'il appellera bientôt « die Sache », la cause. Par une coïncidence à quoi lui-même peut-être donnait un autre nom, cette année-là vit tout à la fois le début de ses relations avec Jung et sa rupture définitive avec Wilhelm Fliess, qui avait traîné 6 ans. Freud avait alors 50 ans, et pour la première fois, son anniversaire fut fêté par le petit groupe de ses disciples viennois. En cette occasion, qui plus tard donna lieu à des cérémonies et des manifestations mondiales de sympathie, ses élèves avaient eu l'idée de lui offrir une médaille gravée où l'on voyait à l'avers le profil de Freud, au revers Édipe répondant au sphinx, et sur la tranche, ce vers de l'Édipe roi de Sophocle, qui résolut l'énigme fameuse et fut un homme de très grand pouvoir. Ernest Jones rapporte à ce propos une anecdote troublante. Un curieux incident s'était produit lors de la remise de ce médaillon. En lisant l'inscription, Freud pâlit, s'agita, et d'une voix étranglée, demanda qui en avait eu l'idée. Il se comporta comme s'il avait rencontré quelque revenant, et c'était bien ce qui était arrivé. Federn dit à Freud que c'était lui qui avait choisi la citation. Alors, ce dernier révéla que, jeune étudiant à l'université de Vienne, il avait coutume de marcher de long en large dans la grande cour et de contempler les bustes des professeurs célèbres du passé. C'est là que, non seulement, il avait eu le fantasme de voir son propre buste, futur, parmi les autres, ce qui n'avait rien de surprenant chez un étudiant ambitieux, mais encore qu'il avait imaginé le buste portant exactement les mêmes mots que le médaillon. Récemment, j'ai exaucé ce désir de jeunesse de Freud en remettant à l'université de Vienne, pour qu'elle l'érige, un buste du maître sculpté par Königsberger en 1921, et au bas duquel on a depuis gravé le vers de Sophocle. C'est là un exemple fort rare d'un fantasme d'adolescent réalisé dans ses moindres détails, fût-ce 80 ans plus tard. Le plus grand événement de l'année, cependant, fut pour Freud le début de sa correspondance avec Jung, l'un des premiers psychiatres étrangers qui eussent sérieusement réfléchi à sa théorie et même commencé de l'appliquer. Assistant du professeur Bleuler au Burg Ötzli, établissement psychiatrique fameux qui attirait les étudiants de tous les coins de l'Europe, Jung était évidemment une recrue de choix pour le jeune mouvement psychanalytique qui ne comptait pas trop d'hommes éminents et, nous l'avons vu, inspirait à son fondateur des sentiments très mélangés. Freud fut ébloui par cette adhésion inespérée qui lui ouvrait les portes d'un haut lieu de la science et par là même de l'Europe. Le jeune savant étranger qui venait à lui spontanément et par surcroît lui gagnait les sympathies de son célèbre patron l'impressionna aussitôt par la puissance de son esprit, l'étendue de sa culture et, surtout, son courage, car à ce moment, il en fallait pour risquer sa réputation en se réclamant ouvertement de ses idées. Reconnaissant et séduit, il vit en Jung le champion idéal de la cause, celui-là même qui pourrait le seconder ou même le remplacer complètement dans sa lutte. Et, dès les premières lettres qu'ils échangent, il lui laisse entendre, bien imprudemment peut-être, à quel point il a besoin de son appui. Jung avait lu très tôt la science des rêves. Et il avait même mentionné par trois fois dans son ouvrage sur l'occultisme. En 1904, Freud avait reçu de Bleuler lui-même l'impressionnante nouvelle que le professeur zurichois s'intéressait à la psychanalyse depuis quelques années, et sur l'instigation de Jung, son principal assistant, recherchait les applications possibles de la nouvelle méthode au domaine obscur de la schizophrénie. Bleuler, qui poursuivait, et étendait les travaux du grand psychiatre allemand Kraepelin sur la démence précoce, était une autorité mondialement reconnue dont l'adhésion, déjà flatteuse en elle-même, avait de surcroît un inappréciable poids scientifique. Freud en fut profondément touché et reporta toute sa gratitude sur Jung, qui, de fait, en avait été l'énergique agent. Il faut dire un mot de ce Burg Ötzli, où la psychanalyse trouvait soudain de si précieux alliés. Naturellement, les Suisses en formaient l'élément dominant. Mais il accueillait aussi de nombreux étudiants et médecins étrangers qui y passaient parfois plusieurs années. Malgré son caractère cosmopolite, le célèbre hôpital psychiatrique était un lieu assez particulier à quoi les Suisses, groupés autour de leurs maîtres Forel et Bleuler, donnaient une teinte presque mystique, liée non seulement par l'intérêt scientifique, mais par leurs convictions religieuses et une conception commune de la vie. Ils étaient pour la plupart végétariens et abstinents, ce qui dressait une sorte de barrière entre eux et leurs camarades étrangers. Cette attitude sectaire, évidemment fort étrangère aux habitudes de Freud et de ses élèves viennois, s'accordait assez mal avec leur enthousiasme pour la nouvelle psychologie. Certains médecins qui travaillaient dans le service de Bleuler et de Jung ne furent pas sans pressentir ce que la mystique du Burg Ötzli comportait de problématique pour le rapprochement entre Zurich et Vienne. Ainsi, Karl Abraham, qui avait passé 3 ans chez Bleuler et connaissait bien la maison, tenta dès le début d'ouvrir les yeux de Freud sur ces incompatibilités qui lui semblaient de fâcheux augure. Mais Freud avait mis de tels espoirs en Jung, il était tellement séduit par celui dont il faisait déjà son successeur que, pendant longtemps, aucun avertissement ne parvint à l'éclairer. L'exaltation dont Freud faisait preuve à l'égard des Suisses pouvait passer pour de l'aveuglement aux yeux de ses élèves viennois, qui les uns par lucidité, les autres par jalousie, ne voyaient pas sans appréhension la faveur des nouveaux venus. Mais si l'avenir donna raison aux sceptiques, l'entraînement sentimental et intellectuel de Freud avait de profondes raisons, qui du reste étaient loin d'être toutes intéressées. Freud, nous l'avons maintes fois souligné, était resté le disciple de Brücke, pour qui toute science se fondait d'abord sur l'observation et la mesure des faits, Mais, par la force des choses, il n'avait pas pu lui-même donner à ses travaux cette base expérimentale qui leur eût ôté tout caractère aventureux et l'eût seul pleinement contenté. Et, contrairement à ce qu'il espérait peut-être, ses premiers élèves ne semblaient guère soucieux d'asseoir la psychanalyse sur des fondements plus solides. Il n'en avait du reste nullement le moyen. Et l'on a vu, dans l'histoire du mouvement, combien il avait souffert de leur peu de rigueur scientifique. Or, l'école de Bleuler lui apportait précisément cet appoint de l'expérience de laboratoire dont, malgré sa certitude d'avoir raison, il avait au fond la nostalgie. Jung et ses élèves, en effet, avaient mis au point une méthode expérimentale destinée à l'étude des associations qui, d'abord dérivée de la psychologie de Wundt et appliquée au diagnostic de la démence précoce, servit de démonstration éclatante aux idées de Freud sur la reproduction des souvenirs et, par là, à un point essentiel de la théorie de l'inconscient. La démonstration avait d'autant plus de valeur que Jung avait modifié ses tests selon les données d'une expérience rigoureuse, en tenant compte non pas des normes qu'il s'était fixées, mais des innombrables erreurs qui, à l'étonnement de l'observateur, en faussaient sans cesse les résultats. Ces tests, appelés « expériences d'association », ne doivent pas être confondus avec la méthode des associations libres, inventée par Freud qui n'a ni le même point de départ ni le même but. Les expériences d'association ont une valeur purement diagnostique, tandis que les associations libres ne sont ni plus ni moins que la matière même de la cure. Jung, par la suite, a abandonné sa méthode qui n'a gardé qu'un intérêt didactique. Freud ne s'en est jamais vraiment servi. Les expériences d'association ne sont pas sans analogie avec les tests psychologiques dits projectifs, tels que le Rorschach, le Thematic Perception Test, le Schondy, etc. Jung les a maintes fois décrites dans ses ouvrages. Ainsi, il les expose longuement dans l'une des conférences qui composent « L'homme à la découverte de son âme ». L'expérimentateur dispose d'une liste de mots, dits « mots inducteurs », qu'il a choisis au hasard, et qui ne doivent avoir entre eux aucun rapport de signification, condition indispensable à une expérience de pure association. En voici un exemple. Eau, rond, chaise, herbe, bleu, couteau, aider, poids, prêt. Lorsqu'on présente l'un après l'autre ces mots à un sujet, il n'émane de cette liste aucune suggestion, ce qui est toujours le cas dès que plusieurs mots constituent un thème quelconque. L'expérimentateur invite le sujet à réagir à chaque mot inducteur aussi rapidement que possible en prononçant seulement le premier mot qui lui vient à l'esprit. Au mot « eau », lancé pour ainsi dire par l'expérimentateur, le sujet répondra aussi vite que possible par le premier mot qui lui traverse l'esprit, par exemple « mouillé » ou « vert » ou « H2O » ou « lavé », etc. L'expérimentateur mesure le temps de réaction avec un chronomètre qui indique les cinquièmes de seconde. On déclenche le chronomètre, par exemple, chaque fois que l'on prononce la dernière syllabe du mot inducteur, et on l'arrête dès que le sujet fait entendre la première syllabe du mot induit. On note le temps écoulé, dit « temps de réaction ». Je procède à 50 réactions ou davantage, un trop grand nombre de réactions étant cependant nuisible du fait de la fatigue qui intervient. Jung explique dans un autre passage comment cette expérience, conçue d'abord pour l'étude des processus normaux d'association, le força de prendre en considération non pas ce qu'elle cherchait, mais les innombrables erreurs qui en faisaient dévier la marche. Portée à l'origine sur la vitesse moyenne des réactions et la qualité des réponses, l'intérêt de l'expérience finit par se concentrer entièrement sur les fautes de réaction. Au cours de ces expériences, on remarque que les temps de réaction sont fort inégaux, tantôt courts, tantôt longs. On remarque aussi que certaines réponses subissent des perturbations. Le sujet oublie la recommandation initiale qu'il invitait à répondre par un seul mot et répond par toute une phrase. Ou bien, il néglige le sens du mot inducteur et réagit par une association tonale, ce qui est aussi une légère entorse aux instructions préalables. D'autres incidents surviennent également. L'expérimentateur prononçant le mot « eau » il arrive que le sujet réagisse par « oh, tiens, vers », ce qui constitue une répétition du mot inducteur. Ou bien encore par « vers », « ah, je voulais dire bleu », le sujet a fait un lapsus. Ou bien encore il se met à rire et répond quelque chose d'inadéquat, oui ou non, précédant par exemple la réaction requise. Ou encore le sujet ne comprend pas ou comprend mal le mot inducteur clairement prononcé, ou réagit par un mot stéréotypé, c'est-à-dire par un même mot induit indifféremment à divers mots inducteurs. Certains sujets, par exemple, réagissent fréquemment en répétant le mot « beau ». On appelle toutes ces perturbations, ainsi que les temps de réaction trop prolongés ou les absences de réaction, des indices de complexe. On a constaté en effet que les mots inducteurs qui déterminent une perturbation quelconque de la réaction sont ceux qui se rencontrent chez les sujets avec un contenu émotionnel touchant de quelque façon à la sphère intime taboue. Lorsqu'un mot inducteur n'intéresse que la surface de la conscience, la réaction est normale et il ne se produit rien d'insolite. Mais lorsqu'au contraire, il entame et traverse les digues protectrices de la vie intérieure et pénètre dans l'intimité du moi, il détermine une perturbation de la réaction extérieure en déclenchant à l'intérieur de l'être un automatisme auquel le sujet n'était pas préparé, qui capte son attention, le subjugue en quelque sorte, et l'empêche de ce fait d'accomplir les instructions données. L'exposé de Jung permet de se faire une idée de ce mot de complexe, qui a connu une telle fortune et qui, à force de généralisation et d'à peu près, a perdu peu à peu toute signification précise. Le mot, notons-le en passant, n'a été inventé ni par Jung ni par Freud, mais par un psychiatre allemand, Zion, qui fut du reste l'un des adversaires les plus acharnés de la psychanalyse. Au sens où l'entend Jung, c'est un concept strictement expérimental désignant un contenu psychique à tonalité affective, qui peut être soit inconscient, soit conscient à divers degrés, et par quoi les mots inducteurs choisis pour l'expérience se trouvent en quelque sorte aimantés. Jung, par la suite, a complété son expérience d'association par l'emploi d'un galvanomètre qui enregistrait les modifications du fonctionnement des organes végétatifs et d'un pneumographe qui mesurait le rythme et l'amplitude respiratoire du sujet. Les résultats concordants de ces différents tests lui permirent d'affirmer que les complexes sont des grandeurs affectives, autrement dit, des phénomènes affectifs susceptibles de mesures exactes. La situation d'expérience ne les crée pas, cela va de soi, mais elle seule peut les faire apparaître avec leur valeur en quelque sorte numérique et les rendre vérifiables pour n'importe quel témoin. Issu du travail de laboratoire, le complexe, selon Jung, peut être l'objet d'une définition scientifique. Qu'est donc, scientifiquement parlant, un complexe affectif? C'est l'image émotionnelle et vivace d'une situation psychique arrêtée. Image incompatible, en outre, avec l'attitude et l'atmosphère consciente habituelle, elle est douée d'une forte cohésion intérieure, d'une sorte de totalité propre, et à un degré relativement élevé, d'autonomie. Sa soumission aux dispositions de la conscience est fugace, et elle se comporte par suite dans l'espace conscient comme un corpus aliénum, animé d'une vie propre. Au prix d'un effort de volonté, on peut à l'ordinaire réprimer un complexe, le tenir en échec. Mais aucun effort ne parvient à l'annihiler, et il réapparaît à la première occasion favorable avec sa force originelle. Des recherches expérimentales paraissent indiquer que sa courbe d'activité ou d'intensité est ondulatoire, avec une longueur d'onde qui peut varier de quelques heures ou quelques jours à quelques semaines. Cette question très compliquée n'est pas encore élucidée. Jung distinguait autant de complexes qu'il y a de situations traumatisantes, de troubles et de gênes possibles pour l'individu. Sous son influence, on parla du complexe du père, de la mère, du frère, de la sœur, etc. Et bien qu'il eût précisé que le contenu affectif ainsi défini n'avait en lui-même rien de morbide, il admettait volontiers que l'on avait des complexes, ce qui laissait entendre que la chose, malgré tout, s'attrapait comme une maladie. Quoi qu'il en eût, Jung traitait couramment les complexes comme des phénomènes parasites dont l'homme sain doit se débarrasser. Et quand il reprochait à Freud, ce qu'il faisait souvent, son complexe paternel mal résolu, il accréditait lui-même la conception vulgaire de son idée. c'est le lieu de se demander s'il y a plus qu'un rapport verbal entre la théorie jungienne des complexes et le complexe d'Édipe qui, comme le dit Freud dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, est le shibboleth de sa psychologie. Sans même parler des extensions ultérieures du complexe jungien, qui prit le sens d'une personnalité indépendante, ou même, comme le dit l'auteur, d'une âme parcellaire au sein de l'individu, il semble que le mot ait recouvert dès le début des réalités psychiques fort différentes. Pour Jung, en effet, on a des complexes, et les complexes vous possèdent. Il s'agit bien d'une sorte de possession momentanée, accidentelle, dont les causes peuvent être récentes ou anciennes, liées à des événements, à des crises, à des traumatismes ou des difficultés quelconques de la vie. Ce sont des entités du psychisme humain, mais on peut en avoir ou non. Ils vont et viennent, apparaissent et disparaissent à leur guise, et Jung, pour finir, les compare à de malins génies ou à ces kobolds de l'imagination populaire qui contrarient l'action des hommes par leurs mauvais tours. Jouant à l'intérieur de l'âme le rôle de petites personnes séparées, ce sont eux aussi qui causent les hallucinations et les visions des aliénés. On voit tout de suite que le complexe d'Édipe, seul concept freudien avec celui de la castration, auquel le mot de complexe reste attaché, n'a pas grand-chose de commun avec ces petits démons pour lesquels Freud, du reste, trouva une autre explication psychologique. La situation édipienne, en effet, est définie par un conflit infantile que tous les hommes sans exception traversent et doivent en quelque façon surmonter. Il n'est donc pas question de l'avoir, on la vit nécessairement. Ce qui compte n'est pas de s'en débarrasser, mais de la dénouer, de telle sorte qu'elle contribue au bonheur et à la plénitude de l'existence. Aucune expérience de laboratoire ne peut permettre de mesurer la grandeur et la valeur de cette situation infantile, d'où dérivent non seulement les conflits, mais aussi, quand elle est heureusement résolue, l'équilibre et les joies de l'adulte. Il n'est pas facile de repérer exactement le moment où le mot de complexe est apparu dans l'œuvre de Freud, chaque livre au cours des éditions successives ayant été remanié et pourvu d'additions dont les dates ne sont pas toujours établies. Il semble pourtant que le complexe d'Édipe n'existe pas sous ce nom dans la première édition de La science des rêves et des trois essais, mais seulement dans les éditions ultérieures, de sorte que son apparition date au plus tôt de 1905, d'un moment donc où Freud correspondait avec Bleuler et connaissait les travaux des Suisses. Qu'il l'ait emprunté directement à Jung, ou trouvé de son côté par l'une de ses rencontres fréquentes dans le domaine des inventions, il l'a adopté parce que, selon ses propres dires, il le jugeait d'un emploi commode, mais avec son peu de goût pour les précisions terminologiques, sans se soucier de le définir. L'histoire de ce mot, qui aujourd'hui est entré dans le langage populaire, où il représente du reste à peu près tout ce que l'on sait pratiquement de Freud, illustre de façon très suggestive comment les idées se propagent, dévient de leur première direction, se combinent avec d'autres, triomphent et se perdent. Tiré du laboratoire, le mot de complexe désigna d'abord ces émotions intempestives et déplacées qui, dans une situation plus ou moins critique, trahissent l'individu et contrarient son action. Le complexe du père, de la mère, des frères et sœurs, etc., devint alors une explication commode pour tous les troubles de la personnalité et du comportement qui, du point de vue strictement freudien, rentraient dans la catégorie des névroses. Après quoi, le mot perdit la nuance un peu magique qu'il avait prise dans la psychologie jungienne pour se rapprocher peu à peu de tout ce qui touche au sentiment d'infériorité, notion aussi étrangère à Jung qu'à Freud, mais essentielle en revanche dans la psychologie adlérienne. Avoir des complexes aujourd'hui ne signifie plus être possédé, mais se sentir inférieur en raison d'une insuffisance organique ou intellectuelle, supposée ou réelle, source en tout cas d'une gêne sociale. Complexe d'infériorité, ou complexe tout court, le mot, sans doute, renvoie toujours implicitement à Freud. Mais il n'a réussi qu'en perdant une à une toutes ses attaches avec la psychologie de l'inconscient et, par conséquent, avec la pensée freudienne. Freud, nous l'avons dit, ne se servait guère des expériences d'association. Il ne le reconnaissait de valeur que dans les cas rebelles, principalement dans les états psychotiques comme la démence précoce. Toutefois, il ne fit rien contre la confusion que les complexes jungiens risquaient d'introduire dans son propre édifice. lui-même employa le mot quelque temps, bien que, comme le montre une lettre à Pfister, datée de 1910, il ne laissa pas de s'en défier. Il faut être extrêmement prudent avec les complexes. Autant le concept est indispensable dans certaines manipulations et démonstrations, quand on fait de la théorie, autant il faut veiller à toujours lui substituer ce qui se cache derrière lui. Il est vraiment par trop vague et inadéquat. On voit que même en cette année 1910, où les choses commençaient imperceptiblement à se gâter entre Vienne et Zurich, Freud ne s'inquiétait pas outre mesure des déviations que la tournure d'esprit de Jung, plus encore que ses travaux du moment, pouvait faire subir à sa théorie. Pourtant, entre le complexe selon Jung, presque entièrement détaché de ses racines infantiles et, pour ainsi dire, psychologisé, et les archétypes qui, plus tard, remplacèrent le père et la mère charnels par des figures purement symboliques, un esprit plus méfiant eût pu prévoir qu'il n'y aurait pas tant de chemin. Mais Freud aimait Jung, et il s'était persuadé que son œuvre n'aurait pas de meilleur défenseur ni de continuateur plus digne d'elle. Et puis, s'il voyait bien ce que ses élèves jaloux ou clairvoyants interprétaient comme de mauvais signes, il comprenait qu'un fils de pasteur, élevé dans de solides traditions morales et religieuses, très dépendante encore de son milieu, avait plus de mérite qu'un autre à vaincre ses préjugés pour rejoindre sa farouche armée. C'est la raison qu'il fait valoir auprès d'un de ses élèves les plus proches, Karl Abraham, qui cachait mal son antipathie instinctive pour Jung et très tôt était entré en conflit avec lui. C'était en 1908, à Salzbourg, lors du premier congrès international de psychanalyse qui, sur la proposition de Jung, du reste, porta le nom modeste de « Rencontre des psychologues freudiens ». Contrairement à ceux qui allaient le suivre, ce congrès ne dura qu'une journée. Il n'eut ni président, ni secrétaire, ni comité, ni même ordre du jour. Le seul nuage de cette journée historique fut justement le différend qui éclata entre Abraham et Jung à propos de la démence précoce, sujet principal des travaux du Burg Oestli. Jung présenta les vues de son maître Bleuler, selon lesquelles la démence précoce est due à un état organique du cerveau conditionné par une hypothétique psychotoxine. Abraham, de son côté, soutint les idées de Freud sur la maladie, à savoir que la démence n'était pas imputable à une destruction des capacités mentales, mais à un blocage massif des processus affectifs. Par surcroît, il oublia de mentionner les travaux de Jung et de Bleuler, auxquels il n'attachait pas grande valeur, et Jung prit fort mal cette omission qui avait du reste vraiment un sens freudien. Pour l'amener à une attitude conciliante, Freud lui écrivit une lettre où il lui exposait sa politique et où on lit pourtant moins de diplomatie que de bonté. Cher et honoré confrère, je suis heureux d'apprendre que vous considérez Salzbourg comme un heureux événement. Ayant été au centre de tout cela, je ne puis moi-même en juger, mais j'incline à croire prometteuse cette première réunion. À ce propos, j'aimerais vous présenter une requête. Beaucoup de choses vont dépendre de l'accueil que vous lui réserverez. Je crois me rappeler que votre communication a été à l'origine d'un différend entre Jung et vous. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre d'après ce que vous m'en avez dit ensuite. Je crois maintenant une certaine rivalité entre vous inévitable, mais jusqu'à un certain point inoffensive. Je vous ai donné raison sans hésiter et j'ai attribué la susceptibilité de Jung à ses propres incertitudes. Il me serait néanmoins désagréable qu'une mésentente naquît entre vous. Nous sommes encore si peu nombreux que les désaccords, surtout s'ils proviennent de complexes personnels, devraient être hors de question. Il nous importe aussi que Jung revienne aux vues qu'il vient d'abandonner et dont vous vous êtes fait l'énergique avocat. Je crois qu'il y a quelque espoir. Jung lui-même m'a écrit que Bleuler se laissera convaincre et que, même il semble enclin à abandonner sa conception de la nature organique de la démence précoce. Aussi me feriez-vous un plaisir personnel en consentant à vous mettre en rapport avec Jung. Avant de publier votre article, vous pourriez discuter ses objections entre vous afin de pouvoir en tenir compte. Un geste amical de ce genre mettrait certainement fin à votre désaccord naissant. Cela me donnerait beaucoup de satisfaction et montrerait que nous sommes capables de tirer des avantages pratiques de la psychanalyse dans la conduite même de notre vie. Ne rendez pas trop malaisé cette petite victoire sur vous-même. Montrez-vous tolérant. Et n'oubliez pas qu'il vous est vraiment bien plus facile qu'à Jung d'adopter mes vues. D'abord, parce que vous êtes totalement indépendant. Ensuite, parce que des affinités de race vous rapprochent davantage de mon tempérament intellectuel. Rappelez-vous aussi que Jung, chrétien et fils de pasteur, n'a trouvé son chemin vers moi qu'en surmontant de grandes résistances intérieures. Son adhésion n'en a donc que plus de valeur. J'allais presque dire que son entrée sur la scène de la psychanalyse en a éloigné le danger de voir cette science devenir une affaire nationale juive. Abraham s'inclina et écrivit à Jung une lettre conciliante, sans toutefois beaucoup de succès. Déjà, il prévoyait que Jung ne resterait pas longtemps dans le mouvement. Mais Freud répondit à ses doutes en disant « Pour nous autres juifs, la chose est plus facile, il n'y a pas en nous d'éléments mystiques. » Puis, dans sa lettre suivante, « Je ferai tout mon possible pour arranger les choses quand je serai à Zurich en septembre. Comprenez-moi, je n'ai rien à vous reprocher. Je présume que l'antisémitisme refoulé des Suisses, qu'ils sont forcés de m'épargner, s'est trouvé retourné contre vous avec une force accrue. Je suis d'avis que si nous autres juifs, nous voulons collaborer avec les autres, nous devons faire preuve d'une certaine dose de masochisme et nous préparer à supporter quelque peu d'injustice. Il n'y a pas d'autre système pour collaborer. Soyez certain que si je m'appelais Robert Huber, mes idées nouvelles auraient suscité moins de résistance, en dépit de tout. Les querelles nées des jalousies, des divergences idéologiques et des différences de tempérament n'allaient pas manquer pendant les 7 ans que Jung et Freud tentèrent de travailler ensemble à la cause. Dès 1909, au cours de leur voyage en Amérique, Jung s'était déjà bien éloigné intérieurement de celui qui, 3 ans auparavant, avait été, selon ses propres termes, l'événement le plus important de sa vie. Freud, cependant, le regardait toujours comme le Josué, destiné à fouler la terre promise de la psychiatrie que lui, tel Moïse, était condamné à ne contempler que de loin. Et jusqu'au bout, il ne vit pas ou ne voulut pas voir les incompatibilités profondes qui laissaient présager la rupture. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, 2e série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Philippe Drancy, René Farabet, Alain Mottet et Jean Muselli dans La fin de l'isolement. Assistante Marie-Andrée Herminot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 20 avril 1963. Tout de suite, le 18e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, 2e série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Philippe Drancy, René Farabet, Alain Mottet et Jean Muselli dans Le Voyage en Amérique. Assistante, Marie-Andrée Herminot. Freud est l'un de ces hommes que l'on a de la peine à se représenter jeune, parce que l'âge, chez eux, n'apparaît pas comme le poids des années, mais plutôt comme une dignité, une sorte de noblesse native donnant à leurs traits une sagesse un peu anonyme. Freud avait plus de 50 ans quand il connut la notoriété, 70 quand il devint l'une des figures les plus célèbres de son temps. Le vrai visage de ce vieillard de légende, à la fois pénétrant et serein, il n'est pas facile de le découvrir à travers les documents photographiques et littéraires qui tentent de nous le faire connaître. Stefan Zweig l'avait bien vu, qui écrivait dans La guérison par l'esprit. Au cours des années, tous les caricaturistes ont été désespérés par ses traits, car dans cet ovale parfaitement régulier, rien ne s'offre à une exagération du dessin. Rien ne permet de saisir une ligne saillante et vulnérable. C'est en vain qu'on range ces portraits de jeunesse côte à côte pour tâcher d'y découvrir un trait marquant, une indication révélatrice de son caractère. Les traits de l'homme de 30, puis de 40 et 50 ans sont aussi fermés que sa vie extérieure. Il ne montre rien de plus qu'un bel homme, un homme d'apparence virile, un monsieur aux traits presque trop réguliers. Sans doute le regard sombre et concentré dénote l'homme de pensée, mais guère plus. Désemparé, on fouille du regard ses photographies, et l'on n'y découvre jamais que l'une de ses figures de médecin, encadrée d'une barbe bien soignée et idéalement virile, comme Lenbach et Macart aimaient à en peindre, une figure sombre, douce et grave, mais peu révélatrice en fin de compte. Cette même porte qui dissimule sa vie cache aussi son visage, et passant d'une photo à l'autre, il faut renoncer à déchiffrer les caractères de cette physionomie si bien protégée par sa propre harmonie. Pourtant, brusquement, les derniers portraits se mettent à parler. La maladie et la vieillesse sculptent indiscutablement une physionomie dans le bloc du simple visage. Depuis que les cheveux grisonnent, que la barbe ne couvre plus tout à fait le menton ferme et jette une ombre moins profonde sur la bouche au contour marqué, quelque chose de dur, de nettement offensif se dévoile. La volonté inflexible et presque acharnée qui caractérise sa nature. Et le regard qui, autrefois, ne paraissait que contemplatif, prend quelque chose de plus profond et de plus perçant. Un pli d'amère méfiance coupe le front dégagé et sillonné de rides comme la ligne nette d'une plaie. Les lèvres étroites, durement tendues, se ferment comme pour dire « non » ou « ce n'est pas vrai ». On sent pour la première fois la véhémence et la vigueur de la nature freudienne, et puis l'on pense « non, ce n'est pas là un bon vieillard à cheveux blancs, devenu doux et sociable avec l'âge, mais un examinateur impitoyable, qui ne se laisse tromper par rien et ne consent à tromper sur rien. Un homme devant lequel on aurait peur de mentir. » Le portrait que trace Ernest Jones diffère sensiblement de cette imposante figure de patriarche. Il est vrai que le modèle avait 20 ans de moins et que Jones lui-même, fort éloigné de toute prétention littéraire, pouvait l'observer de près avec le naturel et la perspicacité d'un étroit attachement. À 52 ans, Freud commençait à peine à grisonner. Il avait une tête admirablement conformée, ornée d'une chevelure noire épaisse et soignée. Sa moustache et sa barbe était élégamment taillé. Il mesurait 1m72 et avait un peu d'embonpoint, encore que son tour de taille n'excéda probablement pas son tour de poitrine. Tout révélait sa vie sédentaire. Il était plein d'entrain, montrait une certaine agitation et même un peu d'anxiété. Son regard vif semblait pénétrant et grave. J'eus l'impression confuse qu'il y avait dans sa manière d'être et ses gestes quelque chose d'un peu féminin. C'est ce qui me poussa sans doute à me montrer tout disposé à l'aider, voire à le protéger, au lieu, comme beaucoup de psychanalystes, d'adopter à son égard une attitude filiale. Son élocution était parfaitement claire, ce que moi, étranger, j'appréciais avec reconnaissance. Le son de sa voix était amical, plus agréable dans les graves que dans les aigus. Il comprenait mon allemand malgré ma mauvaise prononciation et ne réagissait qu'à mes fautes de genre, en s'impatientant par exemple quand je disais « Dichné ». Que Freud ait eu tout à la fois des traits paternels fortement accusés et une certaine féminité, comme le note Jones non sans finesse, cela explique qu'avec une ténacité inouïe et le courage d'aller contre le monde entier s'il le fallait, il fut aussi capable d'abandon et chercha souvent à se décharger sur plus fort que lui des responsabilités pratiques du mouvement. Cet homme si bien taillé pour le rôle de père et de maître savait comme personne se montrer reconnaissant d'un conseil ou d'une aide. Sa correspondance en fait foi, et notamment cette lettre à Oscar Pfister, où il exprime sans détour sa joie d'avoir été compris et aidé. Le Matterhorn est maintenant sur mon bureau, pressant les lettres auxquelles je dois répondre. J'accepte bien volontiers ce petit bout de Suisse au sens symbolique que vous me proposez, comme un hommage du seul pays où je possède beaucoup de biens, et où je me sache favorisé de l'inclination de cœur et d'esprit d'hommes forts et bons. Je ne pense pas à ma défense personnelle. À dessein, j'ai toujours mis ma personne en avant comme exemple, jamais comme modèle et encore moins comme vénérabile. Il est bien facile aussi de donner au Matterhorn une autre signification moins exaltante. L'échelle 1/50 millième est à peu près la proportion dans laquelle le destin réalise nos désirs. Et nous-mêmes accomplissons nos projets. Mais le Matterhorn me suggère encore une troisième signification. Il me rappelle un homme singulier qui vint me voir un jour, un vrai serviteur de Dieu dont le concept et l'existence étaient pour moi choses bien improbables. Il est ce serviteur en ceci qu'il éprouve le besoin de faire bénéficier tout ce qu'il rencontre de quelques bienfaits spirituels. À moi aussi, vous avez fait du bien. Après vos exhortations, je me suis demandé pourquoi je ne me sentais pas vraiment heureux, et j'ai bientôt trouvé la réponse. J'ai renoncé au projet impossible de m'enrichir par des moyens honnêtes, et après le départ fortuit d'un de mes patients, j'ai décidé de ne pas le remplacer. Depuis lors, je me sens heureux et gai, et je vous donne raison. De plus, je suis déjà resté 3 fois fidèle à cette décision. Sans votre visite et votre action, jamais je n'y serais parvenu. On pourrait s'étonner que Freud se sentît désemparé, un peu las, inquiet de sa production et toujours indécis quant à l'organisation de sa propre vie, juste au moment où, de l'étranger, lui parvenaient les premiers signes du succès. Ce phénomène devenu banal pour les psychanalystes et que lui-même a décrit plus tard comme la maladie de ceux qui échouent devant le succès, c'était le même qu'il avait si longtemps retenu d'aller à Rome et fait douter de la réalité d'Athènes. Le même qui semblait lui ôter le droit de faire son chemin. En 1909, après avoir accepté d'aller en Amérique y faire une série de conférences, il est pris de fatigue, d'une sorte d'apathie. Et lui qui a, en général, une inépuisable imagination touristique, il semble désabusé d'avance et ne prépare même pas son voyage. La lettre qu'il écrit à Oscar Pfister, juste avant de partir, insiste curieusement sur cet état de dépression. « Je suis encore incapable de tout travail. » Cette année m'a davantage marqué que les précédentes. Je n'ai pas non plus la moindre envie de me préparer pour l'Amérique. Peut-être que mon contact avec Jung et Ferenczi, celui-là aussi un des meilleurs, pourra me tirer quelques idées. Par chance, je ne suis plus aussi nécessaire. J'ai le droit de me rabougrir jusqu'à devenir un simple ornement. Il y a peut-être là un brin de providence. En réalité, Freud ne pouvait pas se méprendre sur l'importance de cette invitation qui, émanant d'une grande université américaine, devait marquer l'entrée de la psychanalyse dans le monde. Il est probable que son apathie ne recouvrait que de l'inquiétude devant une épreuve dont l'issue lui paraissait douteuse. On conçoit qu'il n'en ait rien dit à Jung et à Ferenczi, les deux élèves qui l'accompagnaient. Mais bien qu'il prétendît n'attacher aucune importance à ses conférences et même refusa de les préparer, il confia ensuite à ses proches qu'il avait dû trouver un subterfuge pour maîtriser son agitation. Il s'était persuadé qu'il allait en Amérique accessoirement pour faire des conférences, mais principalement pour voir un porc-épic sauvage. Il en vit un, en effet, et rentra chez lui avec le sentiment d'avoir rempli sa double tâche. Freud avait été invité par Stanley Hall, président de l'université Clark à Worcester, Massachusetts, à l'occasion du 20e anniversaire de cet établissement. Stanley Hall était une sommité de la psychologie expérimentale, et pour la psychanalyse américaine à peine naissante, elle comptait alors un seul membre marquant, Brill, son appui officiel était évidemment d'un secours inappréciable. Cependant, Freud ne se hâta nullement d'accepter. Il ne voulait pas partir au mois d'août, ce qui lui eût fait perdre 3 semaines de clientèle, alors que, disait-il, l'Amérique devrait me rapporter de l'argent et non pas m'en coûter. Finalement, la cérémonie fut reportée à la première semaine de septembre et Freud n'eut plus de raison de refuser. Son voyage était assez largement défrayé pour qu'il pût emmener Ferenczi, et comme Jung avait été invité de son côté, les trois hommes décidèrent de s'embarquer ensemble. Ils se rencontrèrent à Brême, où ils passèrent la journée. Freud invita ses compagnons à déjeuner et ce fut l'occasion d'un incident symptomatique qui dut passablement l'affecter, bien qu'il en eût fait tout de suite l'analyse. Secondé par Ferenczi, il avait en effet poussé Jung à boire un peu de vin et celui-ci, partisan fanatique des principes anti-alcooliques du Burkholzli, avait fini par céder à ses instances. À peine Freud eut-il remporté cette petite victoire qu'il se trouva mal à la consternation de ses amis. 3 ans plus tard, à Munich, le même incident devait se reproduire à l'occasion d'un conflit plus grave avec Jung, où Freud, encore une fois, supporta mal d'avoir le dessus. Le déjeuner de Brême eut d'ailleurs des conséquences imprévues. Il contribua à la brouille de Jung avec son patron Bleuler, qui, par la suite, reprocha sérieusement à Freud d'avoir poussé son élève à l'alcoolisme. L'arrivée des 3 hommes à New York ne fit pas grand bruit. Freud visite la ville, mais ce qui l'attire surtout est le Metropolitan Museum et ses antiquités grecques. Le 4 septembre, il quitte New York pour Worcester, où ses conférences doivent commencer le lendemain. Jones, qui l'avait rejoint à New York, raconte ses souvenirs de ce premier contact avec le public américain. Les théories de Freud n'étaient pas inconnues en Nouvelle-Angleterre. En l'automne de 1908, lorsque je m'y étais trouvé avec Morton Prince, j'avais organisé 2 ou 3 symposias auxquels avaient assisté 16 personnes, dont Putnam, professeur de neurologie à l'université de Harvard, Taylor, Münsterberg, professeur de psychologie à Boston, Boris Sidis et Waterman. Je n'obtins de réel succès qu'auprès de Putnam. Puis, en mai 1909, peu de temps avant la visite de Freud, avait eu lieu à New Haven un important congrès au cours duquel Putnam et moi avions lu plusieurs communications qui avaient suscité des discussions animées. On attendait donc la venue de Freud avec un grand intérêt. Lui-même, du moins il l'affirmait, n'avait pas la moindre idée du sujet qu'il allait aborder. Au début, il fut tenté de se rallier à la suggestion de Jung qui lui avait conseillé de consacrer ses conférences à l'étude des rêves. Mais lorsqu'il me demanda mon avis, je l'engageai à choisir un sujet plus vaste, ce qu'il fit, en considérant que les Américains pourraient bien trouver le sujet trop peu pratique ou frivole. Il se décida donc à faire un exposé plus général de la psychanalyse. Il composa chacune de ses conférences au cours de promenades d'une demi-heure en compagnie de Ferenczi, ce qui montre le déroulement harmonieux de ses pensées. Freud prononça ses 5 causeries en allemand, sans aucune note et sur un ton familier qui impressionna beaucoup l'auditoire. Une dame était fort curieuse de l'entendre parler de sexualité et me demanda de l'en prier. À cette requête, il répondit « En ce qui touche la sexualité, je ne me laisse ni imposer ni interdire le sujet. » Les conférences américaines de Freud présentent le même souci de clarté didactique que tous ses exposés destinés au public. Après avoir rappelé la part de Breuer dans l'invention de la méthode psychanalytique et ses propres travaux sur l'hystérie, il parle du rêve, des actes manqués, de la sexualité infantile et de la nature profonde de ces maladies de l'âme où l'individu trouve paradoxalement son profit. Dans sa conclusion, visiblement calculée pour l'Amérique, il aborde le problème de la répression des instincts et de ses excès, dont les risques ne sont pas moins graves pour la santé individuelle que pour celle de la culture. Nous ne devrions pas pousser l'orgueil jusqu'à négliger complètement la part primitivement animale de notre nature. Nous ne devrions pas non plus oublier que le bonheur de l'individu ne peut pas être rayé de nos buts culturels. La plasticité des composantes sexuelles qui se révèlent dans leur capacité de sublimation peut être cause d'une grande tentation, celle d'étendre indéfiniment la sublimation pour contribuer à l'enrichissement de la culture. Mais de même que, dans nos machines, nous ne pouvons pas escompter transformer en travail mécanique utile plus qu'une certaine fraction de la chaleur mise en œuvre, de même, nous ne devrions pas chercher à détourner entièrement l'énergie sexuelle de ses buts propres. Cela ne peut pas réussir. Et dès que la limitation de la sexualité est poussée trop loin, elle entraîne nécessairement tous les dommages d'une mauvaise exploitation. J'ignore si de votre côté vous ne prendrez pas l'avertissement sur quoi je conclus comme une outrecuidance. Je me hasarderai à exprimer ma conviction par un moyen indirect, en vous contant une vieille bouffonnerie dont vous pourrez tirer vous-même l'application. Il y a dans la littérature allemande une petite ville nommée Schilda, dont les habitants passent pour faire toutes sortes de facéties. Ces Schildiens, donc, possédaient un cheval dont le travail les satisfaisait pleinement, et auquel ils ne reprochaient qu'une chose, l'avoine coûteuse dont il fallait le nourrir. Pour le guérir de cette mauvaise habitude, ils décidèrent de diminuer sa ration de quelques épis par jour, jusqu'au moment où il se serait habitué à se passer complètement de nourriture. Pendant un moment, cela alla très bien, le cheval était sevré à un épi près. Le lendemain, il allait enfin travailler sans avoine du tout. Au matin, toutefois, le perfide animal fut trouvé mort. Les habitants de Schilda ne parvinrent pas à s'expliquer pourquoi. À l'issue de la cérémonie, Freud reçut avec l'émotion qu'on imagine le titre de docteur de l'université. Son discours de remerciement commençait par ces mots. C'est la première reconnaissance officielle de nos efforts. Dans son autobiographie, il a évoqué les hommes à qui il devait cet honneur et le sentiment de vivre à tout à coup un rêve diurne. Hall était à juste titre un psychologue et un pédagogue en vue qui, depuis des années, avait fait entrer la psychanalyse dans son enseignement. Il y avait en lui quelque chose du kingmaker, à qui il plaît d'investir et de déposer des autorités. Nous rencontrâmes là James Putman, le neurologue de Harvard, qui, malgré son âge, s'enthousiasma pour la psychanalyse et prit fait et cause pour sa valeur culturelle et la pureté de ses intentions, ceci avec le poids de sa personnalité respectée de tous. Nous ne fûmes gênés que par la prétention de cet homme excellent, orienté principalement vers l'éthique, de par une disposition obsessionnelle, de vouloir rattacher la psychanalyse à un système philosophique déterminé et de la mettre au service de tendances moralisatrices. Ma rencontre avec le philosophe William James me laissa aussi une profonde impression. Je ne puis oublier cette petite scène. Au cours d'une promenade, il s'arrêta soudain, me confia sa serviette et me pria de continuer. Il allait me suivre dès que la crise d'angine de poitrine qu'il sentait venir serait passée. Il mourut un an plus tard d'une crise cardiaque. Jamais depuis je n'ai cessé de me souhaiter une pareille intrépidité en face de l'imminence de la mort. Son voyage en Amérique prouvait à Freud que la psychanalyse n'était plus une production délirante, mais une part de la réalité que des hommes éminents s'étaient plu à juger précieuse. Cependant, il ne parvenait pas encore à y croire. Émerveillé et à demi incrédule, il écrivait à Oscar Pfister dès son retour. C'est l'un des fantasmes les plus agréables que d'imaginer quelque part, sans qu'on en sache rien, l'existence de gens honnêtes qui sympathisent avec nos pensées et nos efforts et qui, soudain, paraissent réellement au jour. C'est ce qui nous est arrivé avec Stanley Hall. Qui aurait cru qu'il existait là-bas en Amérique à une heure de train de Boston, un vieux monsieur respectable qui attend impatiemment notre almanach, lit tout et comprend tout. Et puis, comme il le dit lui-même, sonne le rappel pour nous. Malgré les satisfactions personnelles et les bénéfices politiques qu'il retirait de son voyage, Freud ne garda pas un bon souvenir de l'Amérique. Ni les villes, ni les curiosités naturelles ne semblent l'avoir intéressé, à part les chutes du Niagara, dont la visite lui fut gâchée par une remarque du guide qui avait dit, en le désignant, « Laissez passer d'abord le vieux monsieur ». D'une manière générale, tout l'irritait dans ce pays, dont il disait à Jones que c'était une erreur gigantesque sans doute, mais quand même une erreur. Lui, qui en général cherchait toujours à se montrer équitable, il ne revint jamais complètement sur ce préjugé, même quand l'Amérique fut entièrement conquise par ses idées. Cette aversion n'avait pas pour cause des conceptions sociales ou politiques bien arrêtées, mais plutôt le mauvais état de santé qui lui gâcha en partie le séjour. Pendant des années, il imputa à la détestable nourriture américaine tous les maux dont il lui arrivait de souffrir. Sans doute s'était-il trouvé dépaysé, sans pouvoir s'en plaindre à son entourage. Et puis, Freud avait un besoin profond d'être compris et de se faire comprendre. Or, il comprenait mal les Américains, littéralement et moralement parlant, car leur langue, leur manière d'être et leur conception du travail scientifique le déroutaient et, surtout, ne lui inspiraient pas de sympathie. Plus de 50 ans après son voyage, on peut se demander si, malgré l'immense succès qu'elle lui a réservé, l'Amérique elle-même l'a mieux compris. Freud suivait naturellement avec beaucoup d'attention les progrès du mouvement psychanalytique sur le nouveau continent. Il entretint d'excellentes relations avec Putnam, qui collabora à la revue dirigée par Jung. Puis, quand celui-ci fut passé définitivement à la dissidence et que sa revue eut disparu, à la Revue internationale de psychanalyse médicale, l'organe officiel de l'Association internationale. Stanley Hall continua quelque temps de sonner le rappel. Puis il se rallia aux idées de Adler, qui trouvèrent du reste leur plus grand écho aux États-Unis. Par la suite, Freud reçut de nombreux malades et élèves américains qui lui étaient envoyés par ses correspondants, surtout par Jones, quand il fut installé au Canada. Pendant la période de famine et d'atroce misère qui, à Vienne, marqua la fin de la Première Guerre mondiale, cet afflux de clientèle américaine ne fut rien de moins que le salut. Il lui permit de ne pas mourir de faim. Au fond de l'attitude de Freud à l'égard de l'Amérique, il y avait probablement une vieille méfiance envers le puritanisme traditionnel de ce pays qui le rendait tout à la fois accueillant aux idées freudiennes et dangereux pour les quelques vérités auxquelles Freud tenait par-dessus tout. Logiquement, en effet, la psychanalyse devait surtout réussir là où la morale sexuelle dépassait les limites normales de la rigidité et de l'hypocrisie. Mais d'un autre côté, c'était là aussi qu'elle risquait le plus d'être dénaturée. Bien des années après son voyage, Freud se rendait parfaitement compte de ce qu'il y avait de problématique dans la vogue des idées psychanalytiques en Amérique. En 1925, par exemple, il écrivait dans son autobiographie: la psychanalyse n'a pas perdu de terrain en Amérique depuis notre visite. Elle jouit dans le public d'une popularité peu commune et est reconnue par beaucoup de psychiatres officiels comme une partie importante de l'enseignement médical. Malheureusement, là-bas aussi, il y a été mêlé beaucoup d'eau. Plus d'un abus emprunte son nom, avec qui elle n'a rien de commun. La possibilité y manque de former des analystes quant à la technique et la théorie. Elle se heurte aussi au béhaviorisme qui, dans sa naïveté, se vante d'avoir entièrement éliminé le problème psychologique. Ces lignes donnent à penser que Freud ne se fut pas beaucoup réjoui de l'évolution de la psychanalyse américaine qui, même lorsqu'elle se réclame de lui et reste fidèle à sa théorie, sert des fins qu'il n'aurait pas pu souhaiter, vu l'individualisme de sa pensée. Que la thérapeutique psychanalytique, qui, dans son esprit comme dans celui de la psychanalyse européenne, a toujours conservé des indications cliniques précises, puisse être appliquée, en quelque sorte, massivement, en se souciant moins de rendre l'individu à lui-même que de le conformer aux normes sociales et par là de le niveler, voilà sans aucun doute qui eût découragé Freud, autant que de son vivant l'inquiétaient les diverses déviations subies par son enseignement. Il est vrai qu'il ne se faisait pas d'illusions, et que, à l'exception de quelques moments, il n'avait guère le sentiment d'être vraiment suivi. C'est pourquoi, si fêté qu'il fût dans sa vieillesse et comblé d'hommages, il ne tira jamais de sa gloire une joie sans mélange. Ce qu'il disait à ce propos en 1920 dans une lettre à Pfister, il est probable qu'il l'a pensé jusqu'à la fin de sa vie. C'est vrai, la cause gagne du terrain partout, mais vous semblez surestimer la joie que j'en retire. Ce que l'analyse peut procurer en fait de satisfaction personnelle, je l'ai déjà eu au temps où j'étais seul. Et depuis que d'autres se sont joints à moi, j'ai eu plus l'occasion d'ennui que de joie. La façon dont les gens prennent la psychanalyse et s'en servent ne m'a pas donné d'eux une meilleure opinion que leur comportement de naguère quand ils la rejetaient sans la comprendre. Il faut croire qu'à cette époque, une brèche irréparable s'est creusée entre les autres et moi. Quelle qu'ait été la déception de Freud en Amérique, il demeure que son voyage marque une étape importante dans la diffusion de ses idées. Cette année 1909 voit du reste, un peu partout, une sorte d'éveil. Ainsi, au Canada, sous l'impulsion d'Ernest Jones, et même en Australie, où un pasteur de l'église presbytérienne de Sydney avait fondé un petit groupe et fait des conférences sur la psychanalyse devant diverses sociétés. Moins chanceux ou moins bien armé qu'Oscar Pfister, le pasteur australien dut donner sa démission en raison de ses opinions freudiennes. Vers la fin de la même année, un médecin français, le professeur Morichaud Beauchamp de Poitiers, écrivit à Freud une lettre qui constitue la première contribution de la France au mouvement psychanalytique, contribution tout à fait isolée du reste, qui resta quelques années sans aucune suite. Freud devait être d'autant plus sensible à cette abstention, ou plutôt à cette résistance de la France, que ce pays restait lié pour lui à l'image de son maître Charcot, comme à l'idée même de la liberté intellectuelle. En 1909, l'absence de Freud et de Jung avait rendu impossible la convocation d'un congrès international. Mais l'année suivante, le deuxième congrès eut lieu à Nuremberg, cette fois, avec la participation de membres des principaux pays d'Europe et d'un délégué américain. Freud songeait déjà depuis quelque temps à resserrer dans une association les liens scientifiques entre les analystes. Il chargea Ferenczi de soulever cette question devant le congrès en lui présentant un programme de travail et un plan précis d'organisation. Le programme de Ferenczi, qui proposait Zurich comme siège de la future association et Jung comme président, provoqua des protestations violentes de la part des psychanalystes viennois, que l'orateur avait du reste durement pris à partie. Certaines propositions de Ferenczi visaient à accorder au président des pouvoirs discrétionnaires, un droit de contrôle sur toutes les communications, tous les articles écrits par les psychanalystes de tout pays. Personne n'était disposé à accepter une pareille dictature. Il s'ensuivit des discussions orageuses dont Jones a décrit l'atmosphère et le dénouement. Cette attitude de Ferenczi devait par la suite amener de graves dissensions entre analystes américains et européens. Il me fallut des années et bien des efforts pour les apaiser. Naturellement, nul n'était prêt à accepter les propositions les plus outrancières, mais les Viennois, et surtout Adler et Steckel, s'opposer avec violence à la nomination des Suisses au poste de président et de secrétaire, alors que leurs longs et loyaux services à eux resteraient dans l'ombre. Quant à Freud, il comprenait l'avantage qu'il y aurait à établir les travaux psychanalytiques sur une base plus large que celle qui pouvait être assurée par les Juifs viennois. Il s'agissait d'en convaincre ses collègues de Vienne. Apprenant que plusieurs d'entre eux tenait un meeting de protestation dans la chambre d'hôtel de Steckel, il s'y rendit et les adjura de se laisser convaincre. Il mit l'accent sur la violente hostilité dont ils étaient entourés à Vienne et souligna la nécessité de lutter contre elle grâce à un appui extérieur. Puis il déclara, en rejetant son pardessus d'un geste dramatique, « Mes ennemis seraient ravis de me voir mourir de faim. Ils me dépouilleraient même de mes vêtements. » Pour finir, les choses s'arrangèrent tant bien que mal, pour peu de temps, il est vrai, grâce à certaines mesures d'apaisement. L'association internationale fut créée avec Jung comme président. Pour dédommager les Viennois, Freud consentit à publier une nouvelle revue à côté du Jahrbuch de Jung, dont la direction serait confiée à Adler et à Steckel, les deux têtes principales de la révolte. Enfin, il pensa que le meilleur moyen d'assurer la paix était de s'effacer et de ne plus jouer dans la société viennoise que le rôle d'un collaborateur ou d'un conseiller scientifique. L'idée qu'il devait quitter le devant de la scène semble l'avoir beaucoup préoccupé pendant ces années où, après avoir été seul, il devait affronter les passions partisanes de ses disciples. Elle prend tout son relief dans une lettre qu'il écrivit à Ferenczi pour commenter ce congrès, ou comme il dit, ce Reichstag de Nuremberg, qui mettait fin à l'enfance du mouvement. Cher ami, le succès n'est pas douteux, et pourtant, nous avons été tous les deux des moins favorisés. Il est évident que mon allocution a eu peu de retentissement. J'ignore pourquoi. Elle contenait beaucoup de choses qui méritaient de susciter de l'intérêt. Peut-être ai-je montré ma grande fatigue. Votre chaleureuse plaidoirie a eu l'infortune de provoquer tant de contradictions qu'ils en ont oublié de vous remercier de toutes les suggestions nouvelles que vous leur avez offertes. Toute société est ingrate. Tant pis. Mais on peut leur reprocher de n'avoir pas tenu compte de l'effet que tout cela produirait sur les Viennois. Il aurait été facile de négliger entièrement leurs critiques et de les assurer de leur entière liberté scientifique. De cette façon, nous aurions affaibli leurs protestations. À mon avis, Ma longue aversion réprimée à l'égard des Viennois s'est alliée à votre complexe fraternel pour nous rendre peu perspicaces. Maintenant, tout va démarrer. J'ai constaté que le moment est venu de mettre à exécution une décision que j'ai prise depuis longtemps. Je vais quitter la présidence du groupe viennois et ne plus occuper de fonctions officielles. Je passerai des pouvoirs à Adler. Non que cela me plaise ou que je m'en félicite, mais parce que, après tout, c'est ici la seule personnalité et que dans cette nouvelle situation, il se sentira peut-être obligé de défendre notre bien commun. Je lui en ai déjà parlé et en informerai les autres mercredi prochain. Je ne crois pas qu'ils en seront navrés. J'assume déjà le rôle ingrat d'un vieillard indésirable et grincheux. Cela me déplaît. Et je préfère m'en aller de mon propre gré avant que mon départ ne devienne indispensable. Les chefs auront tous le même âge. Ils pourront agir librement et s'entendre entre eux. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Philippe Drancy, René Farabet, Alain Mottet et Jean Muselli dans Le Voyage en Amérique. Assistante, Marie-Andrée Armineau. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 20 et 27 avril 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.